Chapitre 17. Dans le salon de son appartement, Lionel fumait, étendu sur le divan de brocart couleur lit de vin. Il y avait sur sa physionomie une sorte de béatitude. Il souriait même au moment où, sans frapper, Laetitia entra. « Ah, tu viens me faire une petite visite, chère cousine. Enchantée de te voir. » Il se soulevait, lui tendait une main qu'elle ne prit pas. « Quoi donc, qu'as-tu ? » Il regardait avec surprise le froid visage où les yeux semblaient plus ténébreux que jamais. « Pourquoi as-tu commis tous ces crimes, Lionel ?» Il eut à peine un léger sursaut à cette question directe faite d'un ton dur. « Des crimes ? Quels crimes ?» Le sourire s'était effacé de ses lèvres, mais il ne paraissait aucune émotion dans les yeux bleus si doux, un peu troubles seulement. Sans répondre, Laetitia s'avança jusqu'à toucher le divan et se pencha vers son cousin. « Lionel, tu es un monstre. Il faut que tu meures, car tu déshonorerais le nom de Camparène. » La bouche de Lionel trembla un peu, le regard se troubla davantage. Étendant la main, il laissa tomber sa cigarette dans le cendrier. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent. Il y eut un silencieux, tragique, échange de pensées. « On sait ?»« Oui, Salvatore et Gemma. Elle a trouvé dans les archives une lettre où il est question du poison de Don Cesare. Déjà, elle avait des soupçons, probablement. Elle s'est confiée à Salvatore. J'ai compris que celui-ci n'hésiterait pas à t'accuser, s'il le fallait, pour empêcher d'autres crimes. » Une lueur de haine passa dans le regard de Lionel. « Ah, lui !» Ses doigts se crispaient sur la fourrure qui couvrait ses jambes. Il murmura « Il faut donc que je meure !» D'un sac pendu à son bras, Laetitia sortit un flacon. Elle enversa le contenu dans un verre posé sur la petite table près du divan. Lionel la regardait faire avec une sorte d'indifférence. Elle prit le verre et le lui tendit. « Bois, tu ne souffriras pas !» Il baissa les paupières, ébaucha un geste de refus, puis, saisissant le verre, avala d'un trait le liquide opalin. « Voilà, » dit-il. Il reposa le verre sur la table, appuya plus fortement sa tête au coussin du divan. Son teint frais blêmissait, sa bouche s'entr'ouvrit, ses yeux se convulsèrent. Il y eut une contraction de tout son corps, puis il ne bougea plus. Laetitia, un peu pâle, enferma le flacon dans son sac et y joignit le verre. Elle posa son doigt sur le pouls qui ne battait plus, ferma les paupières sur le regard sans vie. Puis elle quitta la pièce, embaumée par le parfum des lys rouges et blancs, les fleurs que préférait Lionel. Au début de l'après-midi, Martin, le second chauffeur, se présenta au pavillon. Il annonça à Salvatore « Monsieur Lionel est mort. » « Mort, Lionel ?» Salvatore se levait brusquement de son fauteuil. « Oui, monsieur, son domestique l'a trouvé sans vie quand il est entré dans son salon à l'heure du déjeuner. Par exemple, dites que je vienne tout de suite. » Quand le chauffeur eut tourné les talons, Salvatore resta un moment immobile, le front barré d'un pli profond. Il avait, depuis la veille, une physionomie altérée dont s'était inquiétée Paola. Mais elle n'avait reçu que des réponses évasives et, avec sa discrétion habituelle, n'avait pas insisté. Quand, un quart d'heure plus tard, Salvatore entra dans la chambre où reposait le corps de Lionel, il n'y trouva que son grand-père. Le vieillard, affaissé dans un fauteuil, leva vers lui un regard désolé. « Quel coup, mon enfant, notre pauvre Lionel, cette mort subite !» Salvatore s'approcha du lit. Le fin visage de Lionel ressortait, très blanc, sur un coussin de soie pourpre. Ses mains se croisaient sur un crucifix d'ivoire. Il avait un air de douceur, d'innocence. Salvatore s'inclina, pria un instant pour cet être de sa race, pour ce criminel qui venait de paraître devant la justice divine. Il pensait « Nous ne savons jusqu'à quel point il était responsable. Ce n'est pas à nous de juger. » Son antipathie à l'égard de Lionel s'effaçait devant la mort. Puis il songeait que celle-ci n'avait peut-être pas été entièrement volontaire. Il se tourna vers M. de Camparène. « A-t-on téléphoné, grand-père, pour les constatations ?»« Oui, Laetitia s'en est occupée. Je ne puis comprendre cette mort. Il avait bien le cœur un peu faible, d'après les médecins, mais il ne nous avait jamais donné de crainte sérieuse à ce sujet. Ta pauvre grand-mère est dans un état, elle a dû s'aliter. Pourvu, Seigneur, que sa maladie ne s'aggrave pas. Espérons que non, grand-père, je viendrai vous retrouver tout à l'heure. Mao a-t-elle été prévenue ? Oui, Gemma le lui a dit. Pauvre enfant, quelques mois de mariage ? Salvatore et songea, c'est la délivrance pour elle. Il sortit de la chambre, traversa le salon où s'exhalait l'entêtant parfum des lys qu'avait aimé Lionel. Sur le palier, il rencontra Gemma qui sortait de chez sa sœur. Sa pâleur, ses yeux cernés, témoignaient des angoisses par où elle venait de passer depuis la veille. « Quelle chose imprévue ! » dit-elle à mi-voix. « Avait-il appris qu'il était découvert et se serait-il donné la mort ?»« Oui, il l'a su par Laetitia. Il ne nous reste qu'à prier pour ce malheureux. Comment Mao a-t-elle accueilli la nouvelle de cette mort ?»« Elle a presque perdu connaissance d'abord, étant donné sa faiblesse, puis elle a pleuré en me disant « Il m'a fait souffrir, mais je lui pardonne. » Elle est calme maintenant et je pense qu'elle oubliera vite. Mieux vaut cela. Elle se remettra peu à peu, je l'espère. Maintenant, je vais chez Laetitia. Je veux savoir ce qui s'est passé entre Lionel et elle. Tout à l'heure, je reviendrai là. » Il désignait l'appartement de Lionel. « Moi, je me rends chez Madame de Camparène qui m'a fait demander, » dit Gemma. « Je redoute fort pour elle les suites d'un tel coup. » Il prit la main qu'elle lui tendait et la retint un moment dans les siennes. « Il faut vous reposer aussi. Vous avez été durement secouée par ces événements terribles. » Il attachait sur elle un regard de tendre sollicitude. Oui, il pouvait être tendre, le regard de ses fiers yeux noirs. Un peu de couleur monta aux joues pâlies de Gemma. Je me reposerai plus tard. Mes nerfs sont encore trop tendus pour le moment. À bientôt. Elle s'éloigna et Salvatore se dirigea vers l'appartement de sa cousine. Mais la femme de chambre lui apprit que Laetitia se trouvait au laboratoire. Il la trouva debout devant une table, une éprouvette à la main. Elle tourna un peu la tête vers lui et lui dit « Bonjour » sans lui tendre la main. « Vous avez poussé Lionel à se tuer, Laetitia ?» La brusque question la laissa impassible. Elle répondit froidement « Oui, je l'ai fait. Peut-être aussi lui avez-vous procuré les moyens ?»« C'est exact. » Il s'approcha, lui saisit le poignet. « Alors, vous tuez par le poison ?»« Par le poison, oui. » Elle avait posé l'éprouvette sur la table et elle le regardait en face avec un air de sombre défi. « Pourquoi pas ? On tue une bête dangereuse et il aurait déshonoré notre famille. De quel droit vous posez-vous en justicière ?» Elle s'écarta un peu en retirant son poignet des doigts qui le meurtrissaient. « Si je ne l'avais, ce droit, je l'ai pris. » « Oh, je sais, votre conscience de croyant ne l'admet pas. Mais je n'ai pas vos scrupules. Peu m'importe votre jugement sur moi. Peu m'importe tout, puisque... » Les lourdes paupières s'abaissèrent, la voix au timbre de contralto frémit un peu. « Puisque celui que j'aime ne peut m'aimer. » « Non, Laetitia, il ne vous aime pas, et eût-il ce malheur qu'aujourd'hui ce serait fini. » Elle releva ses paupières, montrant des yeux où s'éteignait la flamme de passion un instant allumée. « Ce serait fini, oui. Alors, mieux vaut... Mais j'ai détesté Juliette, Salvatore, à cause de votre amour pour elle. »« Je n'ai pas eu d'amour pour Juliette, » dit-il froidement. « Je n'en avais pas le droit. Ce que j'ai éprouvé à son égard était une tendre amitié, un désir de la protéger contre la tyrannie perverse de Lionel. » La pauvre enfant venait vers moi pour chercher cette protection. Et elle vous a aimé, elle ? Je l'ignore. Vous voulez l'ignorer, plutôt ? Soit, mais tout ceci n'a pas de rapport avec la mort de Lionel. Or, c'est au sujet de cette mort que je suis venu vous trouver. Eh bien, nous avons tout dit sur ce sujet-là. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je le recommencerai encore, voilà tout. Pensez-en ce que vous voulez, je vous le répète, peu m'importe. Elle redressait sa belle taille en serrée dans une blouse de toile bise. De nouveau, son regard défiait Salvatore. Il dit avec une froide tristesse « Je crains que vous ne connaissiez jamais le remords, Laetitia. L'orgueil habite en vous. Votre conscience est muette. » « J'ai pourtant sauvé Mao, » dit-elle sèchement. « Oui, c'est vrai. Et elle est cependant la sœur de Gemma que vous aimez. » Il ne répondit pas, mais son visage avait eu un léger frémissement. « Je partirai après les obsèques, » reprit Laetitia avec calme. « Je ne reviendrai plus ici. Vous n'aurez donc pas le désagrément de me revoir. Ainsi que je vous l'ai dit, j'ai détruit autrefois la formule de Don César. Mais vous ferez bien de chercher si, chez Lionel, il n'existe pas une note à ce sujet et sans doute du poison préparé. » « Je les chercherai, » dit Salvatore. Et il sortit. Pendant quelques minutes, Laetitia demeura immobile, les traits figés, les yeux pleins de sombres pensées. Puis, se détournant, elle reprit l'éprouvette et continua le travail commencé.